Alors, Édouard, quel est ton numéro de téléphone? C'est le 06 80 Oui? C'est le 06 80 56. Tu n'es pas sûr? Attends. 06 80 56 28. Ah, voilà. 06 80 56 28 45. 06 80 56 28 45, c'est ça? Oui. Et toi, Devika? 05 61 94 56 83. Tu peux répéter? 05 61 94 56 83. Merci.